L'établissement d'une société nouvelle. Nous avons déjà mentionné que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, arriva à Médine le vendredi 12 du mois de Rabi' al-Awwal de l'an 1 de l'Hégire, ce qui correspond au 27 septembre 622 de l'ère chrétienne, et qu'il résida au début au rez-de-chaussée de la maison d'Abu Ayyub. La première tâche à laquelle il s'attela à son arrivée à Médine fut la construction d'une mosquée à l'endroit même où sa chamelle s'était agenouillée. Le terrain en question fut racheté à ses propriétaires qui étaient deux jeunes orphelins. Le prophète, alayhi salatu wassalam, lui-même, contribua à construire la mosquée en portant des briques d'adobe et des pierres tout en disant « Ô Allah, il n'est de vie que celle de l'au-delà. J'implore ton pardon pour les Ansar comme pour les Muhajiroun. » Cela poussa les compagnons à travailler avec plus de ferveur. L'un d'eux dit à ce sujet « Demeurer assis alors que le prophète travaille serait venant de nous œuvre insensée. » Le sol fut nettoyé des mauvaises herbes, broussailles, troncs de palmiers et saletés qui s'y trouvaient, et les tombes des associateurs furent exhumées et ensuite rasées. La Qibla, c'est-à-dire la direction dans laquelle les musulmans tournent leur visage pour prier, correspondait à la direction de Jérusalem. Deux poutres furent installées afin de tenir le toit. La mosquée fut dotée de trois portes, elle était de forme carrée, chaque côté mesurant 100 coudées, et le côté nord était celui de la Qibla. À proximité, des chambres réservées à la famille du prophète alayhi salatu wassalam furent construites en pierres et en briques d'adobe avec un plafond à base de feuilles de palmier. La mosquée n'était pas seulement un lieu où les musulmans se rassemblaient pour s'acquitter des prières, mais aussi une université où les croyants apprenaient leur religion et une salle de réunion pour les musulmans venus d'horizons tribaux différents et qui, avant l'islam, n'éprouvaient les uns pour les autres qu'aversion. Elle était également un centre où les décisions étaient prises, les affaires de la communauté y étaient dirigées et il s'y tenait un parlement qui comprenait des conseils consultatifs et exécutifs. Dans le côté nord de la mosquée, une chambre était réservée aux musulmans n'ayant ni famille ni domicile. L'appel à la prière, résonnant dans les horizons 5 fois par jour, invitant les musulmans à se rendre à la mosquée, fut institué au début de l'ère médinoise, à la suite de la vision qu'eut dans son sommeil Abdullah fils de Zaïd. Il s'agit d'un fait notoire rapporté par At-Tirmidhi, Abu Dawud, Ahmed et Ibn Khuzayma. Une fois la construction de la mosquée achevée, le prophète, alayhi salatu wassalam, dirigea son attention vers la consolidation des liens de fraternité mutuelle entre les musulmans de Médine, c'est-à-dire Al-Ansar, et les émigrants, Al-Muhajiroun. Ibn al-Qayyim a dit « L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wasallam, scella ensuite les liens de fraternité entre les Ansar et les Muhajiroun. Cela se déroula chez Anas, fils de Malik. Il y avait 90 hommes, pour moitié composés de Muhajiroun et pour moitié d'Ansar. Le pacte de fraternité s'appuyait sur le principe de réconfort mutuel, ainsi que sur l'héritage entre les Ansar et les Muhajiroun à l'exclusion des parents de sang. Cette pratique d'héritage continua jusqu'à ce que le verset suivant fût révélé à l'époque de la bataille de Badr, rétablissant le principe d'héritage entre les parents de sang. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ Et ceux qui sont apparentés par les liens du sang ont cependant priorité les uns envers les autres dans le livre de Dieu. Sourate 8, verset 75, selon le sens du verset. Il a été dit, comme nous pouvons le lire dans Zad al-Ma'ad, que l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, a décrété une seconde union fraternelle entre les émigrants. Cela n'est pas sûr, car les Muhajiroun, liés par les liens de l'islam, du sang et venant de la même cité, n'éprouvaient pas le besoin d'une telle union, ce qui n'était pas le cas entre Ansar et Muhajiroun. La fraternité dans la foi signifiait la dissolution de l'esprit de clan procédant de la jahiliya, de l'ignorance, mais aussi l'abolition des inégalités dues à la différence de généalogie, de couleur ou de pays. Nul être humain n'est supérieur à un autre si ce n'est par sa bienveillance et sa crainte de Dieu. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a fait de cette fraternité une valeur concrète. Il ne s'agissait pas de mots vides de sens, mais bien d'actes impliquant la vie et les biens. L'altruisme, la consolidation et la bienveillance s'imbriquaient dans l'esprit de fraternité, emplissant la société naissante des plus merveilleux exemples. Al-Bukhari a rapporté qu'à l'arrivée des Muhajiroun à Médine, L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, établit un lien de fraternité entre Abdurrahman, fils de Auf, et Sa'd, fils d'Ar-Rabi'. « Je suis le plus riche des Ansar », dit alors ce dernier à Abdurrahman, fils de Auf. « Prends la moitié de ma fortune. J'ai deux épouses, vois celle des deux qui te plaît, je la répudierai et tu pourras, une fois le délai de viduité écoulé, la prendre pour épouse. » Abdurrahman, fils de Auf, dit « Que Dieu bénisse pour toi ta famille et tes biens. Où se trouve votre marché ?» On lui indiqua le marché des Banu Qaynuqa. Il s'y rendit et en revint avec un profit consistant en fromage et en graisse. Il continua ainsi tous les matins. Un jour, il vint portant sur lui des traces de parfum jaune. Le prophète alayhi salatu wassalam lui dit « Que se passe-t-il »« Je me suis marié, » répondit-il. « Et combien as-tu donné à ton épouse comme dot ?» Il dit « Un noyau d'or. » Les Ansar se montrèrent extrêmement généreux à l'égard de leur frère venu de la Mecque. Abu Huraira, radiallahu anhu, a rapporté qu'un jour, ils vinrent retrouver le prophète, alayhi salatu wassalam, en demandant que leur palmeraie soit partagée de façon égale entre eux et leurs frères dans la foi. Mais le prophète, alayhi salatu wassalam, refusa. Alors les Ansar dirent aux Muhajiroun, « Vous soignerez les palmiers et nous en partagerons les fruits avec vous. » De tels exemples prouvent l'esprit de sacrifice, l'altruisme et la cordialité des Ansar, et également le tact, les sentiments de gratitude et de dignité qui étaient présents dans les cœurs des émigrants. Ces derniers ne prirent que ce qui leur permettait de vivre raisonnablement sans rien y ajouter. En résumé, cette fraternité établie entre Ansar et Muhajiroun s'avéra si sage et si à propos que de nombreux problèmes sérieux se trouvèrent résolus d'une manière adéquate et raisonnable. Une constitution islamique. En même temps qu'il établit un code de fraternité parmi les croyants, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dota la cité-état de Médine d'une constitution pour régir les affaires de la société nouvelle. Cela favorisa la disparition de toute rancœur pré-islamique, empêcha les tendances tribales de réapparaître et n'omit rien qui puisse laisser les traditions anti-islamiques s'infiltrer ou venir dégrader le nouvel environnement qu'il voulait établir. Nous allons souligner ci-après succinctement ces articles. Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux, voici un document émanant du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam concernant les croyants et les musulmans de Quraysh, de Yathrib, ainsi que ceux qui ont œuvré à leur côté et qui les ont suivis. Ils constituent une seule et même communauté à l'exclusion des autres hommes. Les émigrants de Quraysh, comme de règle chez eux, s'uniront pour se répartir entre eux le prix du sang et ils rachèteront en toute bienfaisance et en toute justice leurs prisonniers. Les membres de chaque tribu des Ansar, comme de règle chez eux, se cotiseront de la même façon que par le passé, en toute bienfaisance et en toute justice parmi les croyants pour payer la rançon de leurs prisonniers. Les croyants se soutiendront mutuellement en toute bienfaisance dans le paiement de la rançon ou du prix du sang. Les croyants pieux devront s'opposer à toute personne qui aura commis une violence ou aura désiré fomenter une injustice, un crime ou encore une transgression de droit ou une perturbation quelconque parmi les croyants. Les mains de tous se lèveront contre celui-là, fût-il fils de l'un d'entre eux. Un croyant ne tuera pas un autre croyant à cause d'un mécréant ni ne soutiendra un mécréant contre un croyant. La garantie de Dieu étant une, la protection qu'accorde le plus humble d'entre les croyants devra valoir auprès de tous. Quiconque parmi les Juifs se ralliera à nous recevra notre aide. Il ne sera pas agressé et nous ne soutiendrons aucun de ses ennemis contre lui. La paix conclue par les croyants est indivisible et aucun croyant ne devra, dans un combat pour la cause de Dieu, signer en dehors des croyants une paix qui ne soit juste et équitable pour les croyants. Les croyants prendront les uns en faveur des autres la revanche du sang versé pour la cause de Dieu. Nul associateur n'accordera sa protection aux gens de Quraysh ni à leurs biens. Il n'empêchera pas non plus un croyant de s'y attaquer. Celui qui tue un croyant sans motif valable sera mis à mort à moins que la famille de la victime ne lui pardonne son acte. Les croyants se dresseront contre lui et devront veiller à l'application de la loi du talion. Il ne sera permis à aucun croyant d'aider un criminel ou de lui donner refuge. Celui qui transgressera ce point encourra la malédiction de Dieu et sa colère le jour de la résurrection. Il ne sera accepté de lui aucune indemnité ni aucune compensation. Toute question sujette à controverse doit être ramenée à Dieu Tout-Puissant et à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce fut grâce à sa sagesse et à son habileté que l'envoyé de Dieu alayhi salatu wa salam érigea les fondements de la société nouvelle. L'émergence de cette dernière fut le résultat de l'imprégnation des musulmans des valeurs de l'islam. Le prophète alayhi salatu wa salam leur assurait une éducation islamique, les purifiait, les incitait à faire leurs les nobles caractères. Il leur apprenait les règles de politesse relatives à l'affection, à la fraternité, à l'honneur, à la dignité, à l'adoration et à l'obéissance de Dieu. Nous allons maintenant rapporter une sélection des joyaux de la sagesse que le prophète alayhi salatu wa salam a transmise à ses compagnons. Un homme demanda un jour au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam « Quel est le meilleur islam ?» Il lui dit « Que tu donnes à manger et que tu salues ceux que tu connais et ceux que tu ne connais pas. » Abdullah, fils de Salam, a dit « Quand le prophète alayhi salatu wa sallam arriva à Médine, je suis allé à sa rencontre et j'ai immédiatement su en voyant les traits de son visage qu'il n'était pas un menteur. Ses premières paroles furent « Multipliez les salutations, nourrissez les nécessiteux, maintenez les liens de parenté, priez lorsque les gens dorment, vous entrerez paisiblement au paradis. » Et il a dit « N'entre pas au paradis celui dont le voisin n'est pas à l'abri de son mal. » Le vrai musulman, c'est celui dont les musulmans n'ont à redouter ni la langue ni la main. L'un d'entre vous ne sera véritablement croyant tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. L'image des croyants est celle de l'homme. Lorsqu'il souffre d'un mal aux yeux, c'est tout son corps qui souffre. Et quand la tête est atteinte d'un mal, tout le corps souffre. Le croyant par rapport au croyant est comme l'édifice dont tous les éléments se soutiennent. Ne vous haïssez pas les uns les autres, ne vous enviez pas les uns les autres, ne vous fuyez pas les uns les autres. Ô serviteurs d'Allah, soyez des frères, il n'est pas permis à un musulman de tourner le dos à son frère plus de 3 jours. Le musulman est le frère du musulman, il ne l'opprime pas et ne l'abandonne pas. Celui qui aide son frère, Allah l'aidera. Quiconque dissipe une situation affligeante à un musulman, Allah lui en dissipe une de celles du jour du jugement. Quiconque cache les fautes d'un musulman, Allah lui couvrira ses fautes le jour de la résurrection. Soyez miséricordieux envers les habitants de la terre, celui qui est dans les cieux vous sera miséricordieux. Il n'est pas vraiment croyant, celui qui va dormir le ventre plein alors qu'il sait que son voisin a faim. Insulter un croyant est un acte de rébellion contre Dieu et le combattre est un acte de mécréance. Le prophète alayhi salatu wassalam considérait le fait d'enlever de la voie publique ce qui peut nuire aux passants comme une aumône et une branche de la foi. Le prophète alayhi salatu wassalam avait aussi pour habitude d'exhorter les croyants à effectuer l'aumône en leur rappelant ses mérites. L'aumône efface les péchés tout comme l'eau éteint le feu. Tout musulman qui habille un musulman dans le dénuement, Dieu le vêtira des habits verts du paradis. Tout musulman qui nourrit un musulman affamé, Dieu le nourrira des fruits du paradis. Tout musulman qui étanche la soif d'un musulman, Dieu l'abreuvera du nectar scellé. Évitez le feu de l'enfer, ne serait-ce qu'en donnant une moitié de date en aumône ou en disant une parole aimable. Le prophète alayhi salatu wassalam encourageait également l'attitude consistant à s'abstenir de solliciter l'aide matérielle des gens. Il parlait des mérites de l'endurance et de la frugalité et considérait la mendicité comme des écorchures au visage du demandeur, à moins qu'il ne soit totalement démuni. Il ne cessait de parler à ses compagnons de la récompense divine et des mérites relatifs à l'observation scrupuleuse des actes d'adoration. Il liait solidement ses compagnons à la révélation qu'ils recevaient du ciel en la leur lisant et en écoutant la lecture qu'ils en faisaient. Une telle attitude avait pour finalité de leur faire prendre conscience de leurs devoirs vis-à-vis de la prédication et du message. Il se montrait exigeant quant à la nécessité de comprendre et de méditer sur la révélation. C'est ainsi que le prophète, alayhi salatu wassalam, relevait le moral de ses compagnons, entretenait leurs talents et les imprégnait des nobles valeurs, jusqu'à ce qu'ils atteignent le degré le plus élevé de la perfection humaine que jamais, après les prophètes, l'histoire ne connut. Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, a dit un jour « Si vous voulez suivre la bonne voie par l'intermédiaire d'êtres exemplaires, alors recourez à la tradition des anciens aujourd'hui décédés, car les vivants ne sont pas à l'abri de la tentation, de la fitna. Suivez les traces des compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont les meilleurs de cette communauté, les plus pieux, les plus savants et les moins maniérés. Dieu les a choisis comme compagnons pour son prophète et pour établir sa religion. Reconnaissez leurs mérites, suivez leurs pas, accrochez-vous autant que possible à leur moralité et à leur conduite, car ils étaient sur la voie droite de la guidance. » Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, le guide suprême, avait tellement de qualités morales et physiques, de traits de perfection, de talent, de vertu, de mérite, de caractère noble et d'action louable, qu'il attirait les cœurs et que les âmes se dévouaient à lui. À peine prononçait-il une parole que ses compagnons s'empressaient de l'assimiler. Il n'indiquait pas de directive ou de comportement menant vers la droiture sans qu'il n'y accourt. Telles étaient les bases sur lesquelles le prophète alayhi salatu wassalam édifia une société nouvelle, sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Il apporta des solutions aux problèmes de la société humaine, ainsi celle-ci put enfin être en mesure d'exhaler un profond soupir de soulagement après s'être exténuée des siècles durant dans les ténèbres. C'est avec cette morale, établie par le prophète alayhi salatu wassalam, que s'acheva la construction de la nouvelle société qui put modifier le cours de l'histoire. Un pacte de coopération et de non-agression avec les Juifs. Peu de temps après s'être installé à Médine et s'être assuré de la solidité des piliers de la nouvelle société islamique en réalisant l'unité dogmatique, politique et organique des musulmans, le prophète alayhi salatu wassalam commença à systématiser ses relations avec les non-musulmans. Tous ses efforts dans cette perspective ne furent prodigués que dans le seul objectif de procurer la paix, la sécurité et la prospérité à toute l'humanité sans distinction de religion ou de race et d'établir un esprit de coopération harmonieuse dans sa région en particulier. Les lois qu'il édicta étaient imprégnées d'un esprit de tolérance inconnu dans le monde d'alors. Géographiquement, les voisins les plus proches de Médine étaient les Juifs. Tout en nourrissant de mauvaises intentions et en brûlant intérieurement d'une rancune amère, ils n'opposèrent pas la moindre résistance ni ne montrèrent leur hostilité à l'égard de l'islam. Le prophète alayhi salatu wassalam conclut avec eux un pacte comprenant des clauses qui leur reconnaissaient une totale liberté religieuse et financière. Ils n'avaient nullement l'intention de mener une politique conflictuelle impliquant le bannissement ou la saisie de leurs terres et de leurs biens. Ce pacte s'inséra dans celui relatif au rapport entre les musulmans eux-mêmes. Voici les articles les plus importants de ce dernier. Les Juifs de Banu Auf forment une communauté avec les croyants. Aux Juifs leur religion et aux croyants la leur. Les Juifs prendront en charge leurs propres dépenses et les musulmans les leurs, en cas de guerre contre un ennemi commun. Les Juifs et les musulmans se doivent soutien mutuel contre quiconque combattrait les gens adhérents à cet écrit. Les deux parties se conseillent mutuellement et leurs relations s'établiront sous le signe de la droiture, tout acte blâmable étant proscrit. Aucune partie ne fera préjudice à son allié. La partie subissant une injustice sera aidée. Les Juifs contribueront aux dépenses de guerre tant qu'ils seront aux côtés des croyants. Médine demeurera sacrée et inviolable pour tous ceux qui adhèrent à cet écrit. S'il y a entre les gens de cet écrit un désaccord ou une dispute, dont l'issue serait à craindre, cela devra être ramené à Dieu Tout-Puissant et à Muhammad, le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam. Aucune protection ne sera octroyée aux Quraishites ou à qui les soutient. Musulmans et juifs s'entraident pour repousser quiconque attaquera Yathrib. Chaque partie contribuera à la défense de la zone qui lui fait vis-à-vis. Cet écrit n'empêchera aucune des deux parties de chercher à se faire justice en toute légitimité contre un agresseur ou un coupable. Médine et ses faubourgs, après la ratification de ce pacte, se transformèrent en un État fédéral, avec Médine pour capitale et Muhammad alayhi salatu wassalam comme président, si l'on peut s'exprimer ainsi. L'autorité reposait principalement entre les mains des musulmans et par conséquent il s'agissait d'une véritable capitale de l'islam. Afin d'étendre la zone de paix et de sécurité, le prophète alayhi salatu wassalam conclut plus tard des traités semblables avec les tribus vivant dans la région.